Oui, allô ? Allô ? Oui ? Bonjour, monsieur Méry du Bourget, l'appareil. Oui ? Écoutez, je m'excuse de vous déranger. Mais je vous en comme prie. Comme ça, le matin. Nous faisions un petit sondage auprès des habitants du Bourget pour revenir un petit peu sur tout ce que l'on parle en ce moment, une étude sur l'environnement sonore. Est-ce que vous êtes dérangé, vous, personnellement ? Est-ce que le bruit des avions vous gêne ? Par moment, c'est-à-dire que moi je suis assez occupé, n'est-ce pas, dans mon intérieur, mais bon, puis alors au fait, il y a aussi un problème, c'est que j'ai toujours de la musique. Ah oui, donc forcément la musique... Oui, mais je n'ai pas... Vous l'entendez d'ailleurs actuellement. J'entends, absolument, belle musique d'ailleurs. Ah oui, c'est de la musique classique, j'entends. C'est bien. Oui, alors j'ai toujours de la musique à l'intérieur et évidemment... Ça diminue, si vous voulez, l'intensité des bruits qui se produisent à l'extérieur. Donc, je marque nuisance sonore, je mets moyenne. Moyenne, oui. Moyenne. Très bien. Oui, moi, ce que j'ai vu décoller surtout, c'est des petits appareils, des falcons ou des choses comme ça. Des falcons, petits, oui. Des petits bimoteurs. Enfin, ce sont les falcons qui font le plus de bruit, hein. Oui, comme mais les falcons, d'ailleurs. C'est pas des gros réacteurs, hein. Non, de toute façon, hein, ça n'a rien à voir avec le Concorde. Ah, hein. N'en parlez pas. Deuxième chose, nous organisons un concours, nous, ici, la mairie du Bourget. Pour offrir jusqu'à 20 000 francs de prix. Oui. Donc il suffit juste de répondre à une question de culture générale sur la ville. Oui. Alors je vous pose cette question. Si vous voulez. Alors, nous sommes en 1922. Et en 1922, il s'est passé dans la ville du Bourget. Quelle était cette personne ? C'est la question. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Pardon ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit, alors ? Parce que j'ai entendu un bruit, là. Ah, moi, j'ai rien entendu du tout. Ah bon ? Ah, vous voulez dire que vous n'avez pas entendu la question que je vous ai posée ? Ah non, pas du tout. Bon, je vous la repose, donc. Oui. En 1922. Oui. Nous sommes dans la ville du Bourget. En 1922. Oui, j'entends. Tiens, j'entends bien encore le même bruit. Ce qui est très très simple et... Qui est cette fameuse personne qui est donc une figure symbolique du Bourget ? Le même bruit vient de se produire. Et je n'ai rien entendu. Ah, écoutez, nous avons... Pardon ? Bah écoutez, on me dit qu'il y aurait peut-être un avion qui serait passé, mais je sais pas... Ça fait la même chose pour une seconde fois. Alors, j'attends votre réponse, monsieur. Écoutez, j'ai rien entendu, alors je peux pas vous dire grand-chose. Oh, écoutez, vous savez, en théorie, je n'ai pas le droit de la répéter, parce qu'il y a quand même 20 000 francs à la clé, hein. Bah oui, monsieur, mais moi, j'ai absolument rien entendu. Écoutez, moi, ça m'est égal, hein. Bon, parce que c'est vous, Marcel, parce que c'est vous, oui. Je repose la question. Nous sommes en 1922, dans la ville du Bourget. Et là, à cet instant... Évidemment très facile et que je vous pose pour la troisième fois. Qui est cette personne ? Écoutez, le même bruit s'est produit, je n'ai absolument rien entendu. Alors laissons ça ici, comme c'est, n'est-ce pas ? Et puis n'en parlons plus. Hein, bon, mais écoutez... Il y a une chose bizarre qui s'est produite. Vous pouvez dire que vous ne savez pas, hein. C'est pas très grave. Hein. Je ne vous voudrais pas, parce que l'excuse du bruit... Si j'avais entendu la question, peut-être pourrais-je répondre. Mais là, je n'ai rien, absolument rien entendu. Le même bruit s'est produit et a couvert totalement votre voix. Oui. Enfin, vous savez, entre nous, vous pouvez me dire que vous ne savez pas, hein. Bien sûr, je vais vous dire que je ne sais pas. Mais la réponse était Napoléon. Voilà. Ah bon ? Oui. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Oui. C'était peut-être un falcon qui passait au-dessus, remarquez. Ouais, peut-être ça, alors. Écoutez, je vous remercie, monsieur, et passez une bonne journée. Je vous en prie, au revoir, bonne journée à vous. Au revoir, monsieur.